quel moment, dans quel virage, pour quelle vie, quel horizon, sous le fracas de quel orage, à la faveur de quelle passion. Abandonné sur le chemin, sans le gratifier d'un regard, sans état d'âme et sans chagrin, comme un jouet jeté au placard. Tout ce temps que l'on prend, l'énergie qu'on dépense, à rentrer dans le rang, à suivre la cadence, laisse ouverte la porte à cet enfant lassé. Combien de folies avortées au profit de nos certitudes. Sur les traces de nos aînés, au milieu des foules anonymes, nos fantaisies phagocytées disparaissent au fond de la vie. Tout ce temps que l'on prend, l'énergie qu'on dépense, à rentrer dans le rang, à suivre la cadence. Cet enfant lassé qui avec lui emporte des résines inachevées. Rendez-le moi juste pour un soir, celui qui s'amusait d'un rien, qui marchait au bord du trottoir sans poser le pied sur les joints. J'aimerais trouver dans le miroir les fragments de cette innocence, en secret caresser l'espoir de me replonger dans l'enfance. Rendez-le moi juste pour un soir. Rendez-le moi, rendez-le moi. Rendez-le-moi ! Rendez-le-moi ! Oh.